tard. Même si l'on se revoit bientôt, il m'arrive d'avoir le cafard. Autour des routines familières, mon émoi pèse lourd. Je t'adresse cette prière. Pourrais-tu mettre mes cartes à jour? Tu pars toujours trop tôt, tu arrives toujours trop tard. Si l'on se revoit bientôt, il m'arrive d'avoir le cafard. Alors je cherche partout la solution, je fais le tour du problème. Faut-il apprendre cette leçon? Y a-t-il un fin stratagème? Tu pars toujours trop tôt, tu arrives toujours trop tard. Même si l'on se revoit bientôt, il m'arrive d'avoir le cafard. Par cette histoire plus que belle, est-il fatal d'en sortir? Je te demande à toi éternel, comment pourrais-je en grandir? Par cette histoire plus belle que belle, est-il fatal d'en sortir? M'a demandé solennel, comment pourrait-on voir l'avenir, ma choupidou wap, ma choupidou wap, ma choupidou wap, ma choupidou wap. Tu pars toujours trop tôt, tu arrives toujours trop tard. Si l'on se revoit bientôt, il m'arrive d'avoir le cafard. Et tu pars toujours trop tôt, tu arrives toujours trop tard. Même si l'on te revoit bientôt, il m'arrive d'avoir le cafard.